Le prophète Jonas. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Israël est dans un triste état, loin de Dieu, dans la désobéissance. Il en subit les conséquences. L'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Deuxième livre des Rois, chapitre 14, verset 26. Le roi d'Israël, Jéroboam II, faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne méritait donc rien de la part de Dieu. Et pourtant, Dieu lui a envoyé le prophète Jonas, qui lui a annoncé le rétablissement des frontières d'Israël, prédiction qui s'est réalisée peu après. Jéroboam rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï de Gath-Hépher. Deux Rois, chapitre 14, verset 25. Le nom de Jonas signifie « colombe ». Jonas voulait bien être un messager de paix pour Israël. Et il a certainement accompli cette première mission avec élan et conviction. Mais l'Éternel lui a confié ensuite un autre message. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1, 2. Cet ordre a profondément contrarié Jonas, car Ninive était la capitale de l'Assyrie, l'ennemi numéro 1 d'Israël. Jonas a sans doute raisonné ainsi. Si je crie contre la méchanceté de Ninive, ses habitants pourraient se repentir. Puis Dieu ferait grâce à la cité maudite, comme il vient de faire grâce à Israël. Or, si Dieu pardonne à Ninive ses crimes, le royaume d'Assyrie connaîtra à nouveau la prospérité, ce qui entraînera immanquablement le malheur de mon peuple. C'est probablement là la raison pour laquelle Jonas, le patriote juif, s'est dérobé à sa mission. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1, 3. Le prophète croyait échapper non seulement à son devoir, mais à Dieu lui-même. Ignorait-il que, déjà deux siècles auparavant, le psalmiste avait écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Psaume 139, 7 à 10. Mais Jonas n'a pas eu le temps d'aller habiter aux extrémités de la terre. Dieu a arrêté son serviteur désobéissant dans le navire qui l'emmenait en Espagne. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva une grande tempête. Jonas 1, 4. La violence de la tempête est anormale, se disent les matelots. Tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Et le sort tombe sur ce mystérieux passager qui, malgré la tempête, dort profondément dans la cale. L'ayant tiré de son sommeil, ils apprennent avec stupeur que Jonas sait très bien qu'il est la cause de ce terrible cyclone. « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas 1, 12. En désespoir de cause, les matelots jettent le prophète par-dessus bord, et soudain, la fureur de la mer s'apaise. C'est le premier miracle du livre de Jonas. Des matelots païens prient l'Éternel, puis découvrent la puissance du Créateur, capable de calmer le vent et les vagues. Mais l'Éternel va aussi prendre soin de Jonas. Nouveau miracle. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2, 1. Beaucoup de gens n'ont pas pris au sérieux ce récit de la vie de Jonas. Aucun poisson de la Méditerranée n'est capable d'engloutir un homme vivant, ont-ils pensé. Mais ils ont parlé trop vite, car des hommes de science ont prouvé que des cétacés de grande envergure, comme le carcharadon, sont parfaitement capables d'avaler un homme entier. Et n'a-t-on pas à diverses reprises sauvé in extremis des naufragés retrouvés vivants dans les entrailles de ces gigantesques cachalots? Et n'a-t-on pas vu occasionnellement de tels monstres marins en pleine Méditerranée? Enfin, le Créateur pouvait fort bien susciter tout exprès un poisson de grande taille pour préserver la vie de Jonas, comme dans un cercueil vivant, pendant 3 jours et 3 nuits. Mais il y eut un miracle plus extraordinaire encore. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas 2:11. Sachant que ce récit exceptionnel allait être mis en doute, le Seigneur Jésus a pris soin d'en parler, prouvant ainsi que ces faits étaient authentiques. À vrai dire, il sanctionnait ainsi de son autorité divine toute l'histoire de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12:40. Et c'est ainsi que l'extraordinaire aventure de Jonas est devenue le signe prophétique annonçant la mort et la résurrection de Christ. Mais l'histoire de ce prophète n'est pas terminée. Dans le ventre du grand poisson, Jonas s'est repenti. Il a invoqué son Dieu et a promis à l'Éternel de remplir sa mission. Aussi, le Seigneur lui redemande-t-il d'aller à Ninive. Cette fois, Jonas obéit. Il parcourt les rues de la grande capitale en criant « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Jonas 3:4. Et soudain, un quatrième miracle s'accomplit. Un miracle beaucoup plus étonnant que ceux de la tempête apaisée et du grand poisson. Tous les habitants de cette ville perverse, incrédule et idolâtre, se repentent de leurs crimes, déchirent leurs vêtements en signe d'humiliation devant le Dieu des cieux et implorent sa miséricorde. Le Seigneur Jésus rappellera cet acte collectif de contrition unique dans l'histoire en ces termes. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12:41. Aujourd'hui encore, le mal, le péché sous toutes ses formes, font appel au juste jugement de Dieu. Mais lorsque l'homme se repent, Dieu pardonne et il sauve. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Il vous engage, vous, aujourd'hui, à abandonner votre mauvaise voie, à confesser vos péchés à Dieu et à venir ou à revenir à lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. Et ce verset vous concerne, vous, en cet instant. Mais revenons à Jonas. C'est avec un vif déplaisir qu'il constate l'acte de bonté de Dieu à l'égard de Ninive. Au lieu de profiter des bonnes dispositions des Ninivites repentants pour leur annoncer l'amour de Dieu, il se retire à l'orient de la ville, il boude la société, puis il s'irrite contre Dieu. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas 4:3. Jonas ne pense qu'à lui, et il ne comprend rien à l'amour de Dieu pour les hommes. Il jette même un blâme sur Dieu, parce qu'il a, dans sa grâce, épargné Ninive. Oh, l'admirable patience de Dieu, qui, au lieu d'exaucer la prière de Jonas et de lui ôter la vie, va lui enseigner une précieuse leçon au moyen d'un ricin qui croit en une nuit, puis meurt en une nuit. Jonas s'est réjoui du ricin qui lui donnait de l'ombre. Puis il en a eu pitié lorsque l'arbuste a séché. Pourquoi? Parce que Jonas ne pensait qu'à lui. En contraste, Dieu pense aux hommes qu'il veut sauver. C'est pourquoi il a eu pitié de ces centaines de milliers de Ninivites repentants. Et Dieu n'aurait-il pas pitié de notre génération qui n'a pas eu l'occasion de connaître Jésus-Christ? Dieu n'aurait-il pas pitié des milliers d'enfants, non des millions d'enfants, qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, et de ces multitudes d'adolescents à qui l'on n'a pas présenté un évangile vrai et dynamique? Dieu n'aurait-il pas pitié des millions d'adultes vivant dans notre civilisation post-chrétienne, auxquels on n'a présenté qu'une caricature de Jésus-Christ? Ces millions d'adultes dont le cœur est resté vide. Que de fois, nous chrétiens, faisons comme Jonas, au lieu de brûler de compassion pour les âmes que Dieu veut sauver, nous nous enfermons dans notre égoïsme, ou nous nous dérobons à la vocation de gagneur d'âmes, en allant jusqu'à souhaiter le malheur des autres pour mieux fuir nos responsabilités de serviteurs de Dieu. Chrétiens, si Dieu vous appelle à annoncer son amour au monde, ne voulez-vous pas mettre votre vie à sa disposition et dire, avec Jonas, lorsqu'il criait à Dieu dans le ventre du poisson, chapitre 2, verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. »